Accessible pour le rap et ses disciples, seulement ses rêves se dissipent devant les textes insipides de la majorité des MC ainsi. Son ambition se brise ici aussi, leurs idioties m'inspirent un dégoût indicible. Lyrics vidés de sens, à moins que celui-ci soit invisible. Une gueule, aucun vécu, mais un vaincu, car un massif. Imbécile, t'es trop imprécis pour que tu me touches, reste impassible. Impulsif, sont tes rimes, ainsi me battre est impossible. Un élève dissipé, moi je fais preuve de discipline. Et je respecte le rap, c'est mon arme, ma discipline. Les règles sont très précises, mais aujourd'hui très peu disciplines. Bien que celle-ci se soit assoupie, je vous en supplie, arrête ton supplice. Ces MC seront mes cibles, car ce qu'ils font n'est pas admissible. C'est cette dé que je le décide, mon stylo lance les missiles. Le signe de l'infini est un des cycles que je dessine sur la lettre missive, signe à l'accomplissement de ma mission. Je lève le poing, prêt à me battre, évolution. Dans le rap Super Mugen, on m'appelle pour remettre de l'or. Tu n'es point prêt à m'abattre, évolution.